Dossier 6, livre page 67. Tu as de belles tresses, Marilyn. Ne jette pas les déchets dans la forêt. Il neige, rentrons vite. Tu viens à mon anniversaire? Victor, regarde ces belles fleurs dans la photo. Tu vas à l'anniversaire de Fadi? Oui. Et je vais lui offrir un CD.